Arratsaldeon entzuleak, gure gaurko debatea Europako hauteskundeak buruz, maiatzaren 22tik 25erat, Europako 28 estaduetan dira europarlamentariak hautatuko. Orotarat, 751 europarlamentari, dela bost urte baino 15 gehiago. Erran behar da, anartian, joan den urtean, Kroazia bera onartua izan dela, bere 12 ordezkariekin. Frantzian, konkretuki, 64 parlamentari hautatuko dira, dela bost urte baino bi gehiago. Espainian, 44, dela bost urte baino lau gehiago. Zortzigarren hauteskundeak dira hemen Europan antolatuak direla, abiatu direnaz geroz, 1969. Berrikuntza aldiuntan, parlamentariak Europako Komisioaren presidenta hautatzen alko dutela. Pasatzen ari gira beraz, pixkanaka, demokrazia zuzenago baterat, estaduen Europatik, herritarren Europarat, herritarrek, beraz, hautatu parlamentuak, parlamentariak, beraz, hariko dira, beraz, hautu gehiago egiten, eta pizu gehiago ukanen dute. Orain arte, zer da egoera, parlamentuan, Partido Populara, Europakoa, da nagusi, 175 parlamentariekin, ondotik heldu dira sozialistak, 124ekin, ADLE edo zentristak, hortan baitira PNV eta Konvergentzia Unio Katalanarrak 84, Berdeak eta ALE, beraz, 56 eta parlamentariekin, AZER zentrista baina federazioaren kontra 94, gero aurkitzen dira Eskerra eta Berdeak, Berde iparaldekoak, 85 parlamentari, MELD mugimendukoak, hori da eskuina, beraz, suverenistak, 85 parlamentariekin, eta AEL, eta hor dira eskuin muturrekoak aurkitzen, 17 parlamentariekin. Kontekstua, hauteskunde huriek heldu direla krisiaren ondutik. Plantan ezarriak diren beraz neurriak, austeritate plana eta beste, azkarki unkitzen dutela jendeen bizia egunerokotasunean. Horien gogoa eta bereziki Europari buruzko ikuspegia beraz aldatzen ari da. Eta egiheran, euroseptizismoa edo kritikaria hasteko azkartu dela. Eta beste Europa bat ere behar dela, jende eta multxo gero eta gehiagok ere galdegiten dute. Parte hartzea hala ere apala izan zen dela bost urte. Eta batzuek pentsatzen dute irriskoa badela oraino azkarragoa izaitia. Zerbait aldatzen ahalote dute hauteskunde horiek, eskuina eskerra mementuan bipolarizazio guri ikusten dugu Partido Populara dela azkar. Baina iduri luketa zondeuek erakusten dute, behar bada, berorekatze bat izan ditaikela. Horrez gain, koalizioak beharrezkoak dira, zeren eta neork ezpaitu nagusitasun osoa, eta ez da Frantzian bezala, beraz, alderdi bat euneko 50 edo 75ekin poderian izaiten al, hor beharko dira koalizioak. Kampaina denboran, aipamen berezia ukandu president hautagaien arteko debatea, azkenean ikusten halbaitziren, aintzinetik kudeantza nagusian izaitekotan direnak debate demokratiko batian parte hartzen. Baina hori aski izanen otedea interes bat eta konfiantza bat sustatzeko, hori ikusiko, 25. Gu gure aldetik debatea zabaldu nahi dugu eskualiratietan, Europako bozak eta politikak funtsian unkitzen baikaituzte, urbiletik eskualerian berian. Egin moldea ez da erresa izan egia erran, 25 zerrenda presentatzen baitira gure eskualde zabalean, erran nahi baitu Akitania Midi-Pirene Roussillon eskualdean, eta denen egutegia biltzia ez da beti erresa izan. Autu bat egin dugu, eta entxatu gira batzuen eta beste egutegiak juntatzia, hor ditugu beraz azkenian sozialista alderditik Jérôme Marbot, Soverbaixo Europekologi dentzat, UDI-tik Florence Lacerdin behar zen, bainan barkatu zure izena Philippe Morel, da, beraz, etortzen dena. PNV-tik ere, janteletxearen ordez, Dani Camblon dugu, Pascal Le Cellier, Debout la République alderdikoa, eta elogiarin EH Bildu egualdian presentatzen den, beraz, alderdiaren edo koalizio horren partaide dena, eta zerrendan agertzen dena. Eta azkainekoa zira. Hala. Beraz, segitzen eta sartuko gira gaian, horretarazteko gure gomiteri. Beraz, laugalde nagusien ingurian ariko girela, krisiaren eragina eta Europaren politika, gero internazionala saileko galde bat, demokrazia Europan eta hizkuntzen tokia. Eta galde bakotxain ingurian, galde inen dugu, minuta batez bakotxari erantzutea eta debate labur bat izanen da ondotik. Lehen puntua. Krisiaren ondorioak hor dira, eta hor Frantzian eta beste tokia initzetan, ikusi dugu, beraz krisia 2008an abiatua balimada, krisia ekonomikoa eta soziala bilakatu dela. Europak eta estaduek austeritate planak plantan ezarri dituzte, denek gogoan dugu, beraz nolako neurri gogorrak hartuak izan diren, bereziki Europako hegoaldeko beraz herriek buruz, baina ez bakarrik horiek buruz. Ez gira beraz ateraiak egoera hortarik, ez dela beste aterabiderik diote batzuek, beste batzuek aldiz diote, bai beste politika bat posible dela. Ez dela politika ekonomikoa bankoen eskuetan utzi behar, banko zentralari beste orientabidea ere eman behar zaiola. Zer diozue? Ordeon, minuta bat bakotxari, berdin Jérôme Marbo zurekin astengira, sozialista alderdiaren izenean. Bonjour à tous. Pour commencer sur cette question, je pense qu'il est fondamental de rappeler que ça fait 10 ans que l'Europe est dirigée par une majorité conservatrice et libérale. Et que c'est cette majorité conservatrice et libérale qui a géré la crise et qui a imposé les politiques de qu'elle voulait pour de lutte contre la crise, mais qui nous ont amené là où on est aujourd'hui. C'est cette Europe libérale qui a promu la Troïka, la BCE, Jean-Claude Juncker, qui est le candidat aujourd'hui de l'ensemble des libéraux, qui est quand même le premier ministre du plus grand paradis fiscal européen, le Luxembourg. Nous faisons face à la crise le vœu que les milliards qui ont été consacrés aux banques jusque-là puissent être réorientés vers les citoyens, notamment en favorisant la croissance et le développement économique avec la recherche, l'innovation, la transition écologique, ce qu'on appelle une croissance bleue autour de l'économie côtière. Et un certain nombre de garanties, notamment le fait que la BCE puisse rendre compte de son action sur l'euro vis-à-vis des citoyens. Nous allons passer la parole à notre candidat. J'ai oublié de dire et je rappelle que nous avions invité aussi un représentant de l'UMP. Ça a été très difficile d'avoir que ce soit quelqu'un de la liste, même quelqu'un d'en dehors de la liste. C'est bien dommage, mais bon, voilà, nous n'avons personne. Et un représentant de Nouvelle Donne était prêt à venir, mais a eu un problème aussi au dernier moment. A eu difficulté donc de pouvoir participer et se libérer à cette table ronde. Dani Camblon, beraz, zure ikus moldea, hor ekonomia egoera eta bereziki ekonomia egoera larri horren parean, Europak plantan ezarri dituen neurriek begira. Bai, gabon egunon deneri, ni nahiuzke hiru gauza erran krisi horri buruz, lehenik horreita hasi behar da, eta beti ala da, krisi hoi izan dela lehenik finantzaren krisia eta bankuen krisia. Boik bere lan aiteko orde, nahi izan dute dirua fite irabazi, bankoa normalkina da, jenden dirua bildu eta prestatzeko gauzen aiteko. Hor nahi izan dute fiteo bildu, eta bereziki Ameriketan, ani jende simple ezagiz nahi angenean. Bigarrenik, krizia hortan ikusi dugu, baginak hemen hor agertu da zabalago, gure Europak ez duela podorelik, ez duela gobernurik, gu gira, gobernu federalaren dako, gure asmoa da, izan dadin Europa federala. Hiruaren gauza nahi nukena erran, zenta Europa horrek izamaliz podore bat, horrek mintzatzen ahalko zen, eta lan aiten ahalko zuen. Ikusi duguna, estaduetako lehendakari bate bestek entxatu dira iterat, eta indut ere, parte, nahi bauzu ziloa pixkat txipitu do banko hoi beden ezagri xutik, eta hor ere, bon, bide erdi bezik ez da ina, zeren bankoa beluke deneri prestatu. Eta ez baka estatu eri ere, hirugarren gauza, zomeit estadok, behar da ezan, zomeit estadok, bere ibil mundia ez dutela arrasuntza ibili, despendiatuz iazten zuten meno gehio, eta hortan badute bere falta ere. Pascal Le Cellier, Debout la République, votre point de vue sur la question. Bonjour. Bonjour. Je tiens à remercier Guru Iratia pour l'organisation de ce débat, parce que c'est un souffle de démocratie dans ce néant actuel, parce que les grands médias ne font pas leur travail, tout simplement. Bon, pour en venir à l'aspect économique, l'Europe est dans une impasse. Paupérisation, augmentation du chômage, le fossé se creuse entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'Espagne souffre, ainsi que la Grèce et le Portugal. Donc pourquoi ? Parce que le problème, il vient essentiellement de l'euro. Cette monnaie est trop chère, d'ailleurs le président de la Banque Centrale Européenne le reconnaît, Mario Draghi, ainsi que le ministre de l'économie socialiste, et d'autres. Donc cet euro est trop cher, et donc nous, ce que nous proposons, c'est une monnaie commune euro. Aujourd'hui, nous avons une monnaie unique euro, donc c'est le problème. Cette monnaie n'est pas du tout adaptée aux 17 pays de la zone euro, donc parce que ces pays ont des démographies différentes, des régimes sociaux différents, et ainsi que des fiscalités. Donc rien ne se fera sans une monnaie commune, appelée euro, et également des monnaies nationales, donc euro-franc, euro-marc, etc., articulées avec des monnaies, avec une économie nationale. Donc ça permettrait à la France de retrouver un souffle économique et une compétitivité pour ses entreprises. Philippe Morel, votre point de vue, votre analyse sur ce point-là ? Sur la crise, oui, bonjour. La liste que je représente, UDI, Modem, les Européens, est une liste qui se veut fondamentalement européenne et préconise la création des États-Unis d'Europe sur le mode fédéral. Nous sommes fédéralistes européens convaincus. Face à la crise, 6 propositions. Proposer un nouveau traité de convergence sociale et fiscale, indispensable pour mettre fin aux distorsions qui existent à l'heure actuelle au sein de l'Union européenne. Engager les premières étapes de la création d'un droit du travail européen. Il faut que le droit social soit commun, que le droit fiscal soit commun. Mettre fin aux abus liés au statut du travailleur détaché, et nous proposons que l'employeur paie dès cette année 2014 les charges sociales du pays dans lequel il emploie le salarié. Encourager la signature par les partenaires sociaux de conventions collectives européennes. Faire de la mobilité des jeunes européens une clé de leur formation. Et enfin, accélérer la lutte contre l'évasion fiscale, ce fléau du monde moderne et du capitalisme moderne. La fraude fiscale et les paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe doivent disparaître. Sauveur Bachot, Europe Écologie. Bai, Europe Écologie, d'accord, eta gaon deneri. Eta galdera horri buruz, partikulazki, erteko lehenik, gogolista partikulazki, Europa azkar baten alde dela, ekologistak, beti anik rola izan dira, zenta pentsatzen bitugu, ez dela populuen erabekik gertatzen ahal, eta Europa azkar batekin baizik. Eta gero horri buruz, moestian dira aipatiak izan dira, horren zitut berriz erranen, partikulazki finantziari buruz izan diren problemak. Aipatuak deia izan dira. Erteko, nik uste, Europa hau eginda finantziako Europa eginik izan da, baina sozial Europa ez da eginik izan. Aitzinean mintzatzen zenak errantzuen bezala. Gueristak partikulazki galde egiten du delako soldat minimo bat Europa mailan. Hori partikulazki behar da. Konvenzion kolektibita horiek ere, agiri dira. Eta nahi badugu behiz esperantza eman gure populuer, behar dugu partikulazki enplegu mailan ere zerbait egin. Eta hortan, Europa badira ere fond struktural delako horiek, eta presentatzen duztenak soma importantak, baina ez direnak aski erabiliak, eta pentsatzen dut horiek guziak behar direla hobetu, eta partikulazki ere gazten enpleguari buruz, badela ere biziki gauza egiteko. Ordean beste guztiak ez ditut aipatuko, deia aipatuak izan dira, baina sustut hori Europa sozial bat behar dugu, nahi alion du konfiantza eman jendak behar dugu Europa sozial hori berriz egin. Elogiarin, beraz, eskolegia bilduren izenean presentatzen zira, egualdian, hemen ez dugu bozkatzen halko zuretako, baina hor manera hortaz, alako elkartasun bat mugaz gainetik adierazi nahi duzu. Diteko gai hortarat, ekonomia mailan, zuen ikus modea? Bai, ba, azteko milesker komiratzaagetik eta gauen edo ahatsaldeon. Guk EH Bilduren izenan, ikusten dugu gaur egungo Europak austeritate politika bat eramaten duela, eta ikusten dugu bezala Europako herri asko krisi garaietan direla, ez? murrizketa guzti horiek salatzen ditugu, eta azken batean ongizate guztia, pertsonaren ongizatea kolokan jartzen dutela. Herritarren eskubideak eta eskubide sozialak lehenetsi nahi ditugu Europa bat amesten dugu, eta horretarako aurkezten gira gaur egun EH Bilduren izenan. Bestalde, azpimarratu nahiko nuke EH Bilduk bere xumetasun osoan lortu dituen egietan eramate dituela alternatibak banketxe edo finantza merkatuetan oinarritua ez diren ekonomia planak martxan emateko. Hau da, xumekit transizio ekonomiko bat martxan nahi du eman, tokiko garapena bultzatuz, enpresa txiki edo gertuko komertzioai babesa emanez, eta menpekotasun energetikoa murrizteko egitasmoak aintzin era eramanez. Azken batean politika fiskal justuago baten garapena bultzatu nahi dugu EH Bilduren izenean Europan eta azkenan eskualegi osoan ere. Debate tipi bat gai horren inguruan, Philippe Morel, donc vous avez parlé justement de l'Europe sociale qui était en panne, on peut le dire quand même, même s'il y a... En panne est inexistante. Inexistante. Et donc comment... Alors vous faites partie justement des politiques en Europe qui ont défendu le libéralisme au sein de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction entre défendre le libéralisme et défendre une Europe sociale? Et comment vous défendez justement ces deux aspects-là? Il y avait le temps de la Fondation européenne avec la construction d'un grand marché commun, du marché unique, de l'acte unique et d'une politique de libre-échange. Ça, c'est un temps de fondation et l'Europe qui a été fondée a été une Europe des marchands. Donc je ne vais pas critiquer ce qui a été fait puisque c'était une zone de libre-échange. Mais maintenant, il faut aller plus en avant et passer à l'étape supérieure qui est celle de l'Europe des Européens. Et l'Europe des Européens passe par un nouveau droit social européen et un nouveau droit fiscal européen. Quels sont les freins justement à ça, puisque ça n'a pas démarré? Les freins, c'est la finance. Puisqu'on a exagéré, si vous voulez, l'aspect, alors entre guillemets libéral, parce que le mot libéral, c'est toujours un gros mot en France. Mais le mot libéral, c'est une forme de raisonnement économique. Mais dans votre bouche et dans la bouche de beaucoup de nos concitoyens, c'est un gros mot. Donc je ne vais pas reprendre ce mot-là, mais simplement constater que l'on a fait une Europe des marchands, que cette Europe des marchands a été fondée sur la domination financière d'une Europe de la finance et qu'il faut maintenant passer à une autre étape supérieure. C'est vrai, Bachot. Oui, je pense que bon, à ce niveau-là, on peut aussi noter peut-être quelques avancées, parce que de temps en temps, il faut donner aussi quand même un peu d'espoir aux gens. C'est que quand même en Allemagne en particulier, il y a une loi quand même qui vient d'être votée, qui va être votée sur un salaire minimum au niveau de l'Allemagne, qui va être à 8,50 euros, enfin avec différentes étapes, mais entre 2015, 2016, 2017. Bon, je pense que ça, ce qui se passe en Allemagne, par exemple, c'est très important, parce que quand même, l'Allemagne est une force d'entraînement au niveau de l'ensemble de l'Europe, et peut permettre effectivement quelques avancées. Alors bien sûr, après tout le reste, on connaît, parce que c'est vrai que, en particulier, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a ces 1000 milliards d'évasion fiscale, ces 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale par an qui grève absolument tout au niveau de l'Europe. Et ça, c'est vrai que bon, il y a eu un accord qui vient d'être passé au niveau des États par rapport à ça, sur en particulier pour que les informations puissent passer des uns aux autres, mais je crois qu'il faudra aussi beaucoup accentuer les efforts par rapport à cette évasion fiscale. Monsieur Le Cillier, vous vouliez intervenir? Je vous ai tous écouté, c'est très intéressant, mais je crois que tant qu'on ne changera pas les traités, rien ne changera. Parce que la politique libérale, économique de l'Europe, elle est gravée dans les textes. La Banque Centrale Européenne, c'est la lutte contre l'inflation, donc aujourd'hui, c'est Merkel et l'Allemagne qui dirigent l'Europe. Donc ça, tant qu'on ne changera pas les traités, rien ne pourra se faire. Parce qu'on peut avoir des discours, oui, une Europe plus sociale, etc. Mais malheureusement, le dogme économique, il est dans les traités, au travers des traités de la Banque Centrale Européenne et du traité de Lisbonne. Donc, ça ne pourra se faire sans une autre Europe. Et nous, on propose une Europe des nations libres autour de 4-5 pays qui travailleraient sur des projets concrets. Monsieur Jérôme Arbour. Oui, bon, moi je pense qu'il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. On est effectivement face à une difficulté. On peut discuter des heures et des heures sur d'où vient la responsabilité. Je crois qu'à un moment, il faut savoir proposer. Il faut quand même, je pense, souligner le fait que les sociodémocrates, avec Martin Schulz, et là je rejoins ce qu'a dit Sauveur Bachot, ont permis en Allemagne une avancée fondamentale pour débloquer la possibilité d'instaurer au niveau européen un SMIC dans chacun des pays européens. C'est désormais une proposition qui est portée par l'ensemble des partis sociaux-démocrates en Europe et par l'ensemble des candidats sociaux-démocrates à cette élection. Nous, nous prenons effectivement la révision des traités, mais pas dans un sens destructeur pour l'Europe, parce qu'on pense que seule l'Europe, aujourd'hui, peut avoir la force nécessaire pour résister aux financiers. Et nous prenons, par exemple, l'adoption d'un traité social qui fasse partie des piliers européens au même titre que les autres traités. Il est vrai que l'Europe, aujourd'hui, s'est construite. Non pas, c'est pas l'Europe des marchands. C'est une Europe économique qu'on a construite. Et parfois, notamment les libéraux et mon voisin... En particulier pour les banques, quand même. Et voilà, les libéraux ont parfois oublié que l'économie n'était pas que celle des financiers, mais aussi celle des petits entrepreneurs. Et nous souhaitons aller au-delà de l'Europe économique pour pouvoir construire une Europe sociale à l'aide d'un traité. Dani Camblon. Bai, nik Eusko Alderdi Jeltzaleari zirean, PNB, nik uste dut ez dela egia da, finantzan minetik abiatu dela, baina egia da ekonomia mundu zabalian da gorai, eta horren gilat ez da egiten ahalko gehiago. Baina politikak behar du menperatu, behar du izartu, behar du gizonan heinean ezari. Eta hortan da falta, nik uste dut gehienik podoria dela falta, ez du ez Merkelek, ez Holandek arreinatuko nahi gauzu, ez du indarrik bera nahikarian ezartzeko. Bez behar da podore bat, eta gu gira modemekin, alderdi berian gira Europa mailean, ALDE, nahi duzu, demokraten eginan, eta gu federal baten alde gira, pentsatugu, hoi dela atera bide bakarra, berdinduz edo hurbilduz, erregla ekonomikoak, finanzie, diru mailakoak, eta sozialak. Dudaiki gabe, ara, hori uste dugu atera bide bakarra dela. Elori Arin, hitz bat terren aizin nuen? Bai, aipatzen da horrez, azkomaten Europar Parlamentoetan diren hauteskunde horietan, erran duzulen botere gehiago eman gozela, baina nala ere, oinarria erran behar da, jendarteak eta Europako biztanleak ez dutela esku hartzean dirik eraikitzen ari den Europa honetan, eta azkomaten, ba, erritar sumek botere handirik ez dutela erabakitzeko, oiez zuzenean bebideratuko di diren reformak edo murrizketa zuzenak. Eta hori guretzat oso importantea da demokratikoa izatea Europa eta ez izatea jauntxo bat zuen Europa bat eta ba, ekonomian oinarritutako Europa bat eta azkenan herritarrek izan behar dute hitza eta horiek erabakitzeko boterea eta eskubidea izan behar dute. Oui, j'ai entendu parler de SMIC, une progression en Allemagne, mais c'est la progression en Allemagne. Donc les Allemands, ils mènent leur propre politique et c'est suite à, comment dirais-je, à une élection et ils ont dû composer, ce qui est une bonne chose pour l'Allemagne. Par contre, je voudrais bien savoir qu'a le SMIC, parce qu'entre le SMIC allemand et le SMIC français, je crois qu'on a peut-être plus à perdre dans cette histoire-là. D'ailleurs, c'est le problème de l'harmonisation sociale qui ne pourra se faire avec ces traités-là. Donc l'Europe est à reconstruire. Voilà. Jérôme Arbault, juste un mot sur ça et Sauveur Bachot. Oui, juste un mot, parce que c'est vrai que c'est souvent l'épouvantail qu'on sort quand on parle de SMIC européen. Il ne s'agit évidemment pas d'avoir le même SMIC européen partout et de niveler par le bas. Il s'agit, dans une première étape, de faire en sorte que l'Europe, chaque État membre de l'Europe se dote d'un SMIC qui soit à peu près à 60% du revenu médian du pays. Et ensuite, essayer de progresser, chacun des 28 États membres, vers une unité. Mais ça se fera évidemment pas du jour au lendemain. Et d'abord, on commence par un SMIC national dans chaque pays. Mais si chaque pays a déjà un SMIC, on aura fait un grand pas. Ouais, je voulais juste dire, par rapport au SMIC, quand même, que ce qu'il y a de très concret, quand même, c'est que tout le problème qu'on a connu des abattoirs dans l'Ouest, etc., avec des travailleurs dans les abattoirs allemands qui sont payés à 4 euros ou 4,50 €, le fait que ça passe peut-être à 8,50 €, ça permettra de même que peut-être il y ait moins d'abattoirs qui ferment en France et que la viande ne fasse pas 1000 km pour aller dans les abattoirs allemands, mais qu'elle soit transformée sur place. Alors je crois que ça c'est très important, c'est peut-être un petit truc parmi tant d'autres, mais je crois que ça c'est très important. Et je crois que sur le pouvoir, par contre, je sais pas si on va y revenir, mais je crois que ce qui est très important aussi dans ces élections, c'est que je crois que c'est la première fois quand même sur la démocratie on va revenir. Que la démocratie on va revenir, c'est quand même la première fois que le Parlement aura en tout cas voix au chapitre pour la désignation du président de la Commission européenne, et ça pour demain, ça va être très très très important. Et c'est pour ça que le 25 mai, il faut pas rester à la maison, mais il faut venir voter, parce que de toute façon, chaque voix qui ne porte pas pour l'Europe, eh bien, elle sera pour l'extrême droite et pour Marine Le Pen. Alors ça, il faut pas l'oublier. Je voudrais rebondir sur le fait que l'Europe n'est pas à reconstruire. L'Europe, elle existe. C'est une entité continentale, géographique, politique. Il faut simplement passer à un échelon supérieur. L'échelon supérieur s'étend vers une fédéralisation, une mutualisation de nos moyens pour qu'on soit enfin et qu'on arrive enfin à la construction des États-Unis d'Europe. Elori Ariel, beraz, azken izbat, eta da Dani Camblon. Bai, aipatzen hor, Europako estatuek dutela hitza jamar, baina no, nik nahi dut azpimagatu azken batean Euskal Herriak ez dugula estaturik momentukoz, eta Europak ze proposatzen duen nazioa, eta ez, estatu baten bila diren nazioentzat. Nik uste Euskal Herriak, bere, ni EH Bildun, EH Bilduko aduta gaian ez, baina iparraldeko biztanlea eta ez dugula aukerarik ere gure egia eraikitzeko eta ba, gure ekonomia eraikitzeko eta gure egia guk ere erabakitzeko Europan nolako egi bat nahi dugun eta nola eraiki nahi dugun Europa hori. Tarik Amblo, bai, Amuski. Nahi bozu zuri erantzuna emateko, ez da, mementoan da, estaduen Europa. Guk ez dugu bate hortarik amesten, horrek badu bere muga eta oraia gerida, ez da urgun hori joiten al. Behar da pastu beste pododeratetat, demokratiko haize, ez da Europa horrek behar du jendetak hurbil, ez eta nun behitegina, zomiten dako. Baina, mementoan, estado horik erostuko ez dute podorik aski politika baten iteko. Ikusten dugu, denek bide erdi teute, eskuinak indu bide erdi, finantzean genian, ezkerrak iten du bide erdi, posi bat, urras bat, iteko orde lau, eta hola gira. Guk pentsatzen dugu, ez da erretxe behitia denak, nahi gozu, erregla finantziak, erregla sozialak, eta erregla ekonomikoak, baina behar da gaur beretik fitxatu data bat. Erre nahi du, hemenik sei urte barne, behar da horren bidian erdia egin beden, eta sei urte murioan presidenta, Europako presidenta, denen artean bozkatu. Estatu guztietan betan. Bigarren gaiat pasatzen gira, bigarren gaia, Europa eta internazional edo nazioarte maileko egoera, bereziki, Europa ekialdeari haundizki idekida azken urte hauetan, demokraziarako asmoa edo garapen ekonomikoaren gozea delata, ilusio haundia da erri horietan, beste eri konparatuz, egeran. Azkenik, sartu dena, Kroazia, jaz sartu da, Ukrania, Ukanian, konfrontazio egoeran sartua dira. Europa Errusiaren arteko konfrontazioa bilakatua dena, herriaren partekatzearekin, bederen horren irriskoa gertzen da. Bakotxaren iritzia, galdeinen dut, bakotxari, beraz laburzki, krisia horri begira, Europak zerbait egin behar luke, preseski, krisiari begira, zerbait egin dezake, zer pentsatzen duzien. Jérôme Marbeau, on démarre avec vous. L'Europe doit faire quelque chose et doit se donner les moyens de pouvoir faire quelque chose. L'Ukraine nous ramène malheureusement à une question très dure, c'est-à-dire où est le rêve européen qui a présidé à la construction de l'Union européenne au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce rêve de paix, de prospérité partagé entre tous les peuples européens. Aujourd'hui, on voit que ce rêve-là, il n'est pas acquis. Et même si on vit en paix dans la majeure partie du continent, il y a une certaine partie du continent qui sont à la limite de la guerre. Donc l'Europe, je pense, a un devoir de promouvoir ce rêve et de le réinventer même, parce que c'est vrai que les politiques des 10 dernières années ont mis à mal ce rêve en tendant plus vers une zone de libre-échange que vers un réel projet politique. Donc je crois que nous avons le devoir dans ces élections de réaffirmer un vrai projet politique, qui soit une prospérité partagée pour tous les peuples européens, avec la protection des droits fondamentaux, on doit le réaffirmer haut et fort, et puis la perspective d'une Europe puissance qui puisse, dans le monde, s'imposer face aux grandes puissances continentales de la globalisation. Dani Camblon. Bai, Ukrainiari buruz, esko alderdi jeltzaleak nahitu egin hiru gauza. Ukrainiako problema guretako ez da amikaren problema edo Europako estadoaten problema, baina estado guzien problema. Ukrainia guri buruz izulia da, eta guk errantzun guiki miten diogu, batzutan doiten da Merkel, beste doiten da Holan, ez da hola izan behar, enon ustez behar dugu, orokorkia izan dene izenean. Bigarren gauza, behar da ere, erri hortan, irakurtzen dugun gauzen alabera, demokraziak behar du errespetu bat. Eta ikasi dugu, ekialdeko jendek, ez diote nahi utzi Joshua mintzatzerat. Ez da hori demokrazia ere. Behar da, errespetua. Nik uste dut hiruaren gauza, estatu hori ateako dela bakarrik, hor ere, federalismoarekin bere baitan. Xoko bakotxak, alderdi bakotxak, herri alderdi bakotxak, ez politiko alderdiak, benen lujalde bakotxak, xoko hortan, federalismoan bakotxak atxikiz, bere berezitasunak, eta elgarrekin emanez, orokorki elgarrekin duztenak. Eta orduan, demokrazia respetatua izan da, eta hizkuntzari buruz biziki gu sensible gira, eta orduan, Europak laguntzen alko du gehiago, benen balaute berek ere indar bat egiteko. Philippe Mourel, votre point de vue sur la question. Alors, le point de vue que nous portons, les centristes de la liste des Européens, c'est que notre Europe à 28 est largement suffisante pour l'instant. Et si on voit ce qui se passe aux frontières de l'Europe est aussi la résultante de l'histoire d'une ouverture des frontières beaucoup trop rapide. Bien sûr, il y a eu la chute du mur de Berlin qui nous a entraînés sur l'ouverture sur les pays de l'Est, mais sans cette événement historique majeur du XXe siècle, l'Europe aurait été beaucoup plus lente et on serait resté sur une Europe plus continentale, plus occidentale. Les faits sont là, nous sommes 28, et qu'à Noma, à la marche, il y a eu la guerre en Yougoslavie, il y a la guerre en Ukraine. Il faut que tous ces nouveaux peuples qui aspirent à rentrer dans l'Union européenne retrouvent la démocratie. Et la démocratie, on ne peut la donner qu'en donnant la parole au peuple. Et ce n'est pas avec les canons de M. Poutine qui sont sur les frontières, que nous pourrons réussir. Et je reprends les propos de mon ami du PNV, il faut qu'un État fédéral se construise en Ukraine afin de respecter les peuples qui constituent cet État pour qu'ils puissent retrouver une certaine sérénité politique, économique. Elori Arin, EH Bilduren iritzian. Bai, gure ustez... Azpimagatu nahiko genuke, azken batean, Europak batasunak Ukrainian ardurakeriaz jokatu duela, bere esku hartza sartu zaz. Guk uste dugu ere Ukrainiak ba, demokratikoki eta egitar berek erabaki behar dutela hoien egia nola izan. Eta kritika handi bat egiten dugu bai Europak batasunari eta bai Errusiari nola erabakitzen duten Ukrainiaren zat ba, beraien geroa eta ez dieten usten ba, beraiek erabakitzen beraiek nola ikusten duten hoien egia Ukrainian. Eta azken batean ba, ikusten dugu Kieven hasitako protestak Europak batasunak lagundu dituela azken batean protesta horiek garatzen eta orain Kieveko gobernuak ez dola gehiago bere gobernua aurrera eramateko baliabiderik eta ez dakiela gehiago nola eraman bere gobernua eta guk larritasun handiz ikusten dugu ere ultra eskuindarra sartu dela botere hortan eta ba, guri kezkandia sortzen dugu EH Biruren izenan. Danik Gamblon, no, mintzatu zira jedanik, Zoberbaixo, zure iritzi. Bai, bondeia biziki hauza erranik izan da, horikin guziekin akorgiran ikuste denak mahai ingurian. Partikulazki Putinen egiten dituen gauzak Ukrainian, eta ere izan diren hauteskunde horiek, maskarada bat izan da, egiazki Donetsk eta Luganskeko bozka horietan. Enuzi entzuten? Bai. Eta hori ez da gauza una, aipatu ditugu demokrazia, populuek behar duztela beren erabakiak hartu ikusiekin... Akor gira, gero ez da atzi behar ere, ekonomiko mailan ere, Ukrainiako lurpe hoitan badela ere biziki aberastasun. Eta horrek ere ekartzen dituela biziki gauza, mentuaz gilago. Eta gio, behar da erran ere, badirela hauteskundiak, hoita bustean, badirela hauteskundeak, eta beharko dela ikusi ze main duten hauteskunde horiek, baina respetatu behar dira ere hauteskunde horiek, enin gustuko. Pascal Le Cellier, pour debout la République. Oui, ce qui se passe en Ukraine est dramatique, mais l'Europe, la paix en Europe ne pourra se faire sans la Russie. Hein, comme disait De Gaulle, l'Europe c'est de Brest jusqu'à l'Oural, et donc cela révèle que l'Europe est un nain politique en matière de politique étrangère. Donc là, il faut être très vigilant et faire preuve de diplomatie vis-à-vis des Russes, tout en étant ferme. Là, l'Europe a montré qu'elle était à la solde des Américains, qu'elle est sous tutelle américaine. C'est une Europe atlantiste, ce n'est pas une Europe européenne. Nous, on prend une Europe européenne. Hirugarren gaiat, pasatuko gira. Hirugarren gaia, barkatu, dani naizinuen hitz bat, laburra izinez. Bai, argun laburra, egia da, Ukrainian Putinek laundu du sua pisten. geho ufatu du gehineat partidadin. Eta orai pixkat beldurtu da, eta gileat iten du pixkat zetako Europak erakutsibitako izanen zituela behar ba gaitetxe txar batzu, bere petrolea edo bere gaza erosi zehola, eta haida iruriz pixkat humiliatzen, menan geho behar da utzi demokrazia mintzatzerat, eta ukraninarek berek behaute barnean, gure launtzarekin, baina edekomazio behar du ere eman eta berek behaute egin elgar errespetatuz. Europako hauteskundeak ditugu aipagai gaurko mintzalekuan, elduden igandian izanen baitira hauteskunde guriek eta gurekin ditugu Jérôme Marbeau sozialista alderdiekoa eta zerrenda horren ordezkaria, Sauveur Baixo Europekologi, Philippe Morel UDI denzat, bai Dani Camblon PNU erenzat, Elorri Arin EH Bildu taldearenzat eta Pascal Lecelier Dubu La Republik taldearentzat. Hirugarren galdea demokraziaren ingurian, demokrazia Europan. Aipatu dugu parlamentuaren tokia eta rola handitzen ari dela eta preseski, komisionaren presidenta hautatuko dute eta zuzenki parlamentariek hemendik aintzina. Europako 28 herrietan Europan finkatuak diren lege eta araudiek toki gero eta gehiago dute estatu guzietan. Estatuen parian erritarren ordezkarieri pizu gehiago emaiten ari otedea, sentsu honean joaiten dea beraz aldaketa, urgunago joanez aski urratx egiten dea, edo sobera, barneko mugen gainditzeko, zertoki estadori gabeko herrien zat, zertoki eskualerriaren zat. Ara, beraz, galde zabala, alde bat baino gehiago duena, Sauveur Baixo, zurekin hasten gira. Bai, bon, pentsatzen dut gauza batzu, bon, abian direla behar din lekurat, bon, Europa hasi da delako charbon hazi eta hoikin, eta gero, guai, behar da, geheixako gauzak behar dira plantan ezari. Eta, bon, pentsatzen dut partikulazki, gero ere badira lan jar batzu, delako trete transatlantik hori, amerikanoekin negoziatzen ari den hori, ez da batere gauza guna guetako. Eta horrek ikusten du, bihar nahi animadu olaskoa janik kloraikin eginik edo multinazionalek bihar estatuak ezar dizaten aintzine eta tribunalen aintzinean, hori ez dago zaunak gertatzen al. Baina demokrazia mailan, pentsatzen dut, oaztan erranduan bezala, delako Komisio Europen hortako presidenta hautaturik izan dadin parlamentoan, bo, ez dira gauzak hain klar, baina bon, orokorki jaleike puskat horri buruz abian gira, horrek erakusten duen etako zenta ez bitu bizikiden boik erteko, baina behar dutela populuek, aipatu ditugu populuek ez dutela indarrik, baina behar duzte ben gauzak eskutan hartu, eta partikulazki, igandian bozkatzea joan ez, lehen gauza da hori hemengo populuen dako, lehenik igandian bozkatzea joitia. Pascal Lecelier. Oui, je remercie Sauveur Baixo de parler du traité transatlantique, qui est une très bonne chose et qui est révélateur du fonctionnement de l'Europe avec un poids exorbitant de la Commission de Bruxelles. Pour avoir des informations sur ce traité, il faut aller à l'ambassade des États-Unis pour la France. Donc, alors, ce qu'il y a de très grave, c'est qu'en 2015, ce traité sera signé. Je ne parle pas, bien sûr, du cassoulet à la mode ketchup américaine. Il faut absolument que... le problème de ce traité, c'est qu'il mettra les multinationales au même niveau que les États. Et les multinationales pourront attaquer donc les États au travers de tribunaux spéciaux. Donc une nouvelle fois, c'est une érosion des missions de l'État. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est quand même très grave pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale de toute nation. Sur la place des peuples en Europe ? Sur la place des peuples en Europe, mais les peuples, nous sommes pour une Europe des nations, une Europe des peuples, parce que les peuples existent dans les nations. Donc je pense que aujourd'hui cette Europe, au contraire, lamine les peuples, hein, parce que aujourd'hui, si je peux m'étendre un peu, je comprends que certains autour de cette table, s'opposent au centralisme parisien, mais aujourd'hui, nous avons un centralisme bruxellois, donc je ne sais pas, à mon avis, lequel est le meilleur. Enfin, pour moi, les deux sont à quelque part à revoir, surtout celui bruxellois. Tani Camblon. Bai, guk penben, mementoan, Conseil européen intergouvernemental dugu. Podolea, eta horrek ez dio urgunariko joan eustoko, arteko ertenuen ostion egin nula federala, federalismoa, barnean, eta gero urbilduz erregla guziak, finanziedak, sozialak eta ekonomikoak. Eta gero nahi dugu pentsatzen dugu guk nahi dugu Europat hurbil, jendetaik hurbil. Eta beraz, hagemanak mugen artean aise gehiago. Eta usteot hor, gure zerrendak, Euskadi Europan, emiten dugu esemplua. Gu alderdi berekoak, emiten dugu gure kampaina algarrekin. Hego aldekokin eta ipar aldekoak. Berak, eta gure programa berdintsua da. Bigarrenik gauza erren nahi dukuna, badituko txampioak hemen berian, eta Europak mementuan izugarri admiratzen edo unkai behatzen du Euskadik eiten duena. Euskadik bere lujaldea defenditzen du, izanez beste estatu batuan, eta ekonomikoki eta bere gain bita, guk amesten dugu, izanez lekuko lujaldeak Euskadi bezala, eta guk iparaldea behar dugu janik izan, behar dugu itxura bat eta ahotza bat, kolektibite territorial, edo bertzea behar emaiten duena itxura eta boza. Eta horri buruz gu horrendako gira. Gu ez dugu bate pentsatzen zentralismoakin dienak deusinen dutela. Jérôme Marbeau, au nom du Parti Socialista. Bon, moi je crois qu'il faut d'abord, en premier lieu, souligner l'avancée démocratique qu'on va vivre dimanche prochain, une avancée démocratique majeure dans l'histoire de l'Europe, puisque pour la première fois, les citoyens européens pourront, quasiment directement par leur vote, désigner le président de la Commission européenne, puisque ce président sera élu et proposé par le groupe majoritaire au Parlement européen. C'est un déplacement du centre de gravité politique de l'Europe, et moi je salue cette avancée-là. Je dis à mon ami de l'autre côté de la table que nous avons un programme commun pour l'ensemble des 28 États membres. Grâce à cette révolution-là, désormais, nous sommes tous les partis sociaux-démocrates unis en Europe pour proposer à tous les Européens le même programme. Alors ensuite, sur l'Europe des peuples, moi je crois fondamentalement que cette Europe que ne se construira évidemment pas sur un modèle jacobin et que l'Europe ne peut être forte que de sa diversité, de sa capacité à respecter tous les peuples, toutes les langues et toutes les traditions et toutes les histoires. Puisque c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe peut être, diverse et s'enrichir, et les Européens peuvent s'enrichir les uns les autres. Donc on a ici par exemple l'exemple de l'Euro-région Pays Basque, qui est un magnifique exemple, qui transcende les frontières nationales, et qui fait qu'en Europe, cette Euro-région est peut-être d'ailleurs le meilleur exemple de ce que les peuples européens peuvent construire de part et d'autre des frontières historiques. Elurri Arina, zure iritzia, gai hori buruz. Bai, guk uste dugu Europak batasunak gure utzune demokratiko handiak dituela oraindik ere, naiz eta barbaintzina pausak ikusten duzuen zuek. Nork hautatzen du troika ez? Nork hautatzen ditu murrizketa horiek? Azken batan ez dira egitar horiek. Bestalde, estatu edo nazio askapeneko kide bezala, guk ikusten dugu utzune handi bat, euskal egitarrek, amesten duguna egi oso bat, ez dugulako aukera egi baten izenean defenditzeko gure eskubideak. Bruselak ez dela demokratikoa, baina Espainia eta Frantziak ere ze politika eramate dute gaur egun. Espainiaren bajuti hauteskundetan bajuti bakarra da, beraz horrek suposatzen duen guztiarekin euskal diputatu bat izateko Europar Parlamentuan eskatzen duen biztanle boto kantitate handiarekin, eta Frantzian ez aipa, Frantziaren bozkatzeko bajutiak ez du kontutan hartzen gure hiru provintziak. Lehen aipatua izan da euroiriaren tresna bezala garatzen ari dela Europa mailan. Guk uste dugu olako tresnak egokiak direla, baina beti ere gure lujaldetasuna kontutan hartuz. Eta gaur egun euroiriak hartzen du Akitania eta Euskadi. Akitania eta Euskadik ez du inondik inora Euskal Herria errepresentatzen bere zazpi probintzitan. Eta aukerrago euroiri horiek eraikitzen ari dira makroekonomiko proiektuak aurrera eramateko, ala nola atxeteko proiektuak, eta egitarren kontradoaz hori eginez. Eta azkenik, guk ez dugu amesten Euskadik duen parlamentua edo, guk amesten dugu zazpi provintziak osatuko duten egi bat denok batera. Philippe Morel, votre point de vue. Notre point de vue, c'est pour la construction d'une vraie démocratie européenne, il faut avant en premier élire le président de l'Union européenne au suffrage universel. Certes, il y a une avancée pour cette année. Nous connaissons le nom du futur président de la Commission européenne, puisque les grands partis... Ce n'est pas fait d'avance, j'espère. Non, mais parmi les cinq candidats des grands partis, que ce soit d'Europe Écologie Les Verts, que ce soit de l'Union centriste de tous les pays, de tous les candidats européens, que ce soit du Parti social ou de la social-démocratie, ou que ce soit de la droite conservatrice, nous connaissons le nom. Pour nous, par exemple, centriste, c'est Guy Verhofstadt, un député, ancien Premier ministre belge, qui est notre candidat pour le Parlement européen. Mais afin d'incarner l'Europe politique, nous souhaitons qu'un président de l'Europe soit élu au suffrage universel. Nous proposons dans un premier temps que cette élection se déroule au sein du Congrès, composé de tous les parlementaires européens, and it all comes to be no lies. See the difference. already said, ah, you got your body for sale. And we all know that you're miserable, yeah. Death of your fake moves. Death of your fake moves. See the death of your fake moves. See the death of your fake moves. See the death of your fake moves. Hango hemen doa, hortasunaren Lange dualde gurekin ondaiziela saio juntan eta Urruñako bidia ardezagun Urruñako kabalkadaren prestatzen ari direla eta errepika nagusi bat egin dute joan den asteburuan Jose Luis Aizpurua han ginen guretzata. Mila behatzerun da barroita zazpigarren urtean izan zen azken kabalgada dato behira Urruña aldean. Aurten berriz, emanen da, berreun jende inguru lanarri izan dira joetake, kabalgada edo Urruñarek deitzen dioten zintzarrotsak prestatzen. Arropak egiten, toberak idazten, kantak modlatzen, musikak sortzen eta dantzariak usatzen. Zelin dipugu da dantza arduraduna beste hainbat lanen artean. Duela zakit urte bat terdi ari girela hor dantzak lantzen. Elkartzen gira asteroa, astelenetan. Zakit iruro gehi eta mar bat dantzari badira, denako urruñarrak.